Qu'as-tu fait, Marion, de tes yeux, où brillait l'éclat du printemps? Marion, qu'as-tu vu de si malheureux pour avoir pleuré si longtemps dans ces rues depuis ton retour? Mille fois je t'ai rencontré, mille fois tu fis demi-tour, comme si tu fuyais ton passé. Qu'as-tu fait, Marion, de ton cœur, pour n'avoir toujours pas compris, lorsque je parlais de bonheur, que j'avais un cœur, moi aussi? Qu'as-tu fait, Marion, de tes yeux, où tout le printemps scintillait, pour n'avoir pas vu dans mes yeux à quel point qu'as-tu fait?